Two Maria Francesca's email you can find in this poster here on the wall on the left. And for doing that, so we can have them all in the same format, we will thank you to go to that pad you also have in the same paper, you can find there, and introduce the data and send a copy to her email. So we will receive your cases and we will be able to work further on the outreach and the legal tools, okay, that would help all of us go further in this field. And that's it. If anyone needs another language, please say it and we will talk to you. Thank you. Merci Raquel. J'adore ce silence. Alors, on a une information très importante à partager. C'est qu'on va aller à la déviation ce soir. On est assez nombreux à devoir y aller. Et on a beaucoup de demandes de covoiturage. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui ont des offres de covoiturage, si vous avez des possibilités de covoiturage, il faut vraiment le signaler pour qu'on puisse organiser le maximum de déplacements des uns et des autres. Voilà, donc il y a toujours le tableau qui est là-bas. Il faudra se regrouper autour de ce tableau avant la fin de notre après-midi. Maintenant, je vous propose de vous lever, s'il vous plaît. Donc, de se lever, s'il vous plaît. De prendre votre chaise. Chacun prend sa chaise, donnez une chaise. C'est bon. Et avant de danser le tango, on va mettre les chaises de ce côté-là. En les empilant, c'est mieux. On va mettre les chaises, toutes les chaises sur le côté. Et je compléterai aussi. Donc, en complément de ce que David disait à propos de l'économie de la contribution, pour déployer justement cette économie de la contribution pour le bien commun, c'est de mettre en place un atelier, un workshop pour réfléchir quant à la mise en place de fondations à vocation internationale basées sur le droit suisse avec toutes les parties prenantes de tous les acteurs qui portent des initiatives de la transition et des communs et des alternatives afin de profiter du statut unique de ces fondations pour pouvoir disposer de fonds auxquels on n'a même pas... On peut à peine imaginer. Voilà. D'autant pourquoi en deux mots, c'est parce que ces fondations à vocation internationale basées sur le droit suisse ont un statut unique exceptionnel au monde qui leur donne une notoriété du fait que c'est une chose du fait simplement que la Confédération helvétique a mis en place un service juridico-financier qui garantit à tous les donateurs MSN que l'argent qui garantit à tous les donateurs MSN que l'argent qu'ils versent est uniquement satisfait, uniquement la raison d'être, donc on va dire la raison d'être, oui, de ces fondations. Donc on peut espérer que simplement, si on se retrouve tous ensemble avec un message universel, on puisse disposer de sommes astronomiques. Est-ce que Jocelyn est là, s'il vous plaît? Est-ce que Jocelyn est là, s'il vous plaît?